بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Et c'est cette question qui revient souvent fait Babul Qadr. Qadja qu'on le qa il al an, vous dites qu'on a une volonté. Lakin notre volonté elle est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Enfin, si je fais un péché, c'est pas de ma faute. C'est le Qadr. هذه الشبهه كفى beaucoup de mal à بعض الناس. Tahmounir ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى. Vous avez remarqué Tariqat Cheikh Mu'taymin rahmatullah alayhi, il t'explique comment il te cite un niqash ma'a haoula, hatta tu comprends bien. Les gens vont citer des shubuhat et ils répondent. Ce tariqa est mufid jiddan. Qala fa in qala qa'il afa la yasih ala hada at-taqrir ay yuhtaj bil qadar aw ay yuhtaj bil qadar man khalafa ash-shar'. C'est cette question qui revient souvent fi bab al-qadr. Qad yaqul qa'il al-an, vous dites qu'on a une volonté. Lakin, notre volonté, elle est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Enfin, si je fais un péché, c'est pas de ma faute. C'est le qadr. Hada l'an. Hada l'shubha qui a fait beaucoup de mal à بعض الناس. Et en fait, c'est une question, tu peux te la poser, ça arrive. Les sahaba, ils ont demandé au prophète sallam, fa lima l'amal. Dès qu'il leur a montré en Allah, il a tout écrit, ils ont dit lima l'amal. Ça arrive de poser cette question. Lakin, la personne, il se pose cette question, il se répond. Si cette question plutôt elle arrive, il répond avec le Coran ou le Sunna. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'a l'i'malou, appliquez, faites, œuvrez. Fakullun muyassar lima khuliqala. C'est ça la réponse ijmaliyan. Et Cheikh Mu'taymin, il va détailler. Alors, vous avez compris le sual. Qad yaqul qa'il limadha. Si notre volonté est sur la volonté d'Allah, tout est écrit, pourquoi œuvrer? Alors, si je fais un péché, c'est pas de ma faute. Il y en a, tout est écrit. Cheikh Mu'taymin, il va répondre à la hada sual. Qala al jawab. أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. قرآن سنة العقل يبعدون هذه الأجزام سادمونك الاحتجاج بالقدر على المخالفة على المعاصي سيبا صواب أي celui qui fait des péchés il trouve comme excuse le qadr. يا أخي pourquoi tu voles, pourquoi tu mens, tout est écrit. Moi j'ai volé, j'ai menti, mais tout est écrit. لا يجوز. قرآن والسنة والعقل il montre que c'est هذه الشبهة الباطلة. قال أما الكتاب. il commence par une réponse avec le Coran. وهكذا طلبة العلم من باب أولى العلماء. العلماء ils t'éduquent الآن avec ces livres. Ils te montrent que quand il y a une question tu réponds avec le Coran. أولا لا يجوز أن يقال فلان أو فلان يpense et on délaisse أدلة القرآن. تأمل الشيخ ابن عثيمين قبله شيخ الإسلام. réponse avec كلام الله. لأن كلام الله c'est حق. t'as pas le droit de rejeter. t'as pas le droit de dire mais. أبداً قال الله قال الله يفولا كمخنسون كذلك ما أحد يأتي يرجم هكذا بآيات elles sont pas à leur place. لا العلماء يسيت الفرسي بإذن الله إلى sa place. La preuve il t'explique. لكن نحن ça démontre هذا أن on donne l'importance à ce Coran. Quand tu cites tes adillah la première chose من باب الأدب c'est que tu commences par le Coran. Cite un délit من القرآن. C'est pas obligatoire d'avoir un délit من القرآن. Tu peux avoir un délit من السنة يكفي. لكن si tu فصل et t'as plusieurs adillah commence par délit من القرآن. Après sunnah. Et après, طيب, si c'est une personne la FM, tu lui montres avec des exemples aqli. Mais c'est l'awam, ils comprennent beaucoup avec l'aql. Tu arrives à le convaincre, mais tu as appuyé ta position, ton avis avec Adillah. Et comment tu le montres? C'est ce qu'il va faire. Quran, sunnah, Thomas bil aql, il va leur montrer. Et Inch'Allah, c'est convaincant du thème. قال أما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. شبهة المشركين حقيقة الشبهة والعياذ بالله شبهة هؤلاء. سيقول الذين أشركوا ceux qui ont fait du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il a démontré au prophète, ils vont te dire سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا. Si Allah il aurait voulu, on n'aurait pas fait du shirk. Exactement كلام بعض الجهال. Si Allah il aurait voulu, moi j'aurais fait salat. Ya akhi, pourquoi tu ne fais pas salat? Si Allah il aurait voulu, je l'aurais fait. A'oudou billah. كيف تستدل بالقدر sur une ma'asiyah que tu fais أنت alors que Allah t'a ordonné. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا قال الشيخ ابن عثيمين فأبطل الله حجتهم هذه بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. الله سبحانه وتعالى لا تمتخي سكنا من كذب كذلك كذب الذين من قبلهم بل الله سبحانه وتعالى لا تمتخي على الشك بهذا تعفج الشرك تمو على الشرك la personne والعياذ بالله كما على الشرك c'est une personne كافرة. قال عز وجل حتى ذاقوا بأسنا لا تنفع. Ça serait une hujja qawiyya, tanfa, ils n'auraient pas été châtiés. Lakin Allah adabahu, mais il a montré que c'est des kadhab, c'est un mensonge. Mais Anna, t'as le choix. Qui c'est qui t'a dit d'aller faire ce shirk? Matalan, nahnu wallahi alhamd, on s'éloigne du shirk. Et ni'ma, et c'est bi qadarillah. Amma wahad, il va, il fait du shirk, il dit c'est bi qadar. Ya akhi, il fait du khayr, il dit que c'est le qadar. Alors, les gens, ils se font du mal avec leurs propres mains, wal'aydu billah. Et on va voir que ces filles, Masail al-Din, ma fille de Dunia, ils font très attention. On n'a jamais vu Wahed, il brûle son argent, il dit c'est le qadr. Abadan. Il fait tout pour préserver son mal. Il fait tout. Bel, il fait du roulou, viada. Bel, Orobama, il fait du haram. Et il dit là, il faut faire les causes. La vie, elle est difficile. Et il fait din, là. Il fait din et il se fait du mal avec ses mains. قال فأبطل الله حجتهم هذه بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ومنها قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أي سرسل سي أنبياء كي سون فينو دون شاك كوميونيتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ils sont venus te montrer مبشرين ومنذرين. Ils t'annoncent la bonne nouvelle, c'était à la haq. Il t'annonce un châtiment, c'était à la batal. Ça prouve que tu as le choix. Ça prouve que tu as le choix de répondre à cette annonce si tu veux la haq, la bonne nouvelle, de suivre la haq et de t'écarter du batal. Mais si tu n'as pas le choix, si tu n'as pas le choix, allez où la faïda d'envoyer des rusuls? À la qawl, ceux qui disent le qadar, on n'a pas le choix. L'imad a envoyé des rusuls. T'as pas le choix, le Rasoul il va te changer quoi? Il va rien te changer. قال الشيخ ابن عثيمين فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل ولا حجة لهم على الله بعد ذلك. كلام طيب. قوله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أي t'as plus d'excuses après الرسل. Ça englobe ceux qui disent moi j'ai fait ça pour le, parce que c'est le qadr. T'as pas d'excuses. Par Rasoul il t'a montré. كذلك نحن نرجوت أن ستر إنكسكوز يغي أكن فائدة دي رسول أو دي نبي يغي أكن فائدة الله سبحانه وتعالى سي الحكيم. في الحقيقة ceux qui ont des شبهات أو انحراف في القدر حقيقة ils ont سوء الظن بالله كما نأسفلكي. في الحقيقة سنطعم في رب العالمين. كذلك الجنة والنار هؤلاء تسجل ودمود est-ce que الله il a créé النار إلى آخر ils vont te dire نعم. Est-ce qu'il y a des gens qui vont aller في النار؟ نعم. على قولك ils vont aller ça va être de l'injustice. Il y en a, ils ont été forcés. Ils ont été forcés. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il va mettre des personnes fin nar et ils n'ont pas mérité? A'oudou billah. C'est de l'injustice. C'est ça leur aqida. قال ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. نعم. نعم. Ça serait une حجة. فتغين حجة autre que cela. رسل مباشر ومدرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Ça serait une حجة. تغين حجة. لكن الله il a montré. Il n'y a pas de حجة بعد الرسل. قال وأما السنة. دليل من السنة. قال فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين. دليل على ماذا؟ سان دليل على ماذا؟ قال فمن أدلتها أدلة ماذا؟ على إرادة العبد في القدر. لا. نعم ثانية بكسا لكن سبب خطي. مشيئة الناس. ها؟ الناس عنده مشيئة. نعم سان شوفي بقى على. أحسن أن القدر سيبين حجة على فعل المعاصي. هذا أنا دانس تونس على يا جماعة سويفي. أما مشيئة العبد ولا ديمونتري. على سورة بولونتي دالله ولا ديمونتري. ثم إلي رونتري دون مسألة. بيت peut-être qu'une personne va comprendre si ta volonté est sous la volonté d'Allah. J'ai fait une ma'asiyah, mais c'est sous la volonté d'Allah. Ah, là, elle répond. Il a cité les adillah. Qala wa min as-sunnah. Wa amma as-sunnah fa min adillatiha ma thabata fi as-sahihayn. An Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة أو كتب نعم مقعده بالضم الداء ومقعده من الجنة قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل صلى الله حقيقة سأغيب دوت لابوزي خاصة au départ. Une personne il rentre dans le din, matalan, tu lui expliques les fondements de l'iman, tu arrives au fondement du qadar, Obama il va se poser cette question. Ya akhi, si tu me dis que tout est écrit, l'iman là on fait. Là bas cette question. Lakin, il se met à la réponse, et sahaba radiallahu anhu, ils ont posé cette question. Alors, certains d'entre eux, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a répondu, khalas. Ils n'ont plus jamais posé cette question, et amal. C'est devenu ce que c'est devenu, à sahaba radiallahu anhu, des a'imma. A'imma. في هذه الأمة ستبني أن اكزامبل رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل أفلا نتكل على كتابنا أي on se repose sur ce kitab on fait plus rien on fait plus d'effort لأن c'est déjà tout fait قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له هذا الحديث qu'on a cité أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة رحمة من الله الله il est juste celui كمن أهل السعادة الله سبحانه وتعالى يفسلتها أعمال أهل السعادة لأن الله يسير cette personne fait des efforts يعملوا fait des efforts أنت قال وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة أهل الشقاوة c'est le contraire de السعادة سعادة c'est le bonheur سعيد والشقاوة c'est le contraire شقي نعم شقي سعيد c'est deux extrêmes deux contraires. قال فييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فنيسره فسنيسره للعسرى تأمل قوله فأما من أعطى واتقى إلى في الأسباب إلى بعد لا سر قدر لا يعمل إلى بقول قول النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا وصدق بالحسنى إلى إن بنية il espère al-jannah il espère satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala هذا Allah il le facilite فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ le contraire وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى il fait des ma'asi وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى il a une mauvaise niya il a des shubah وَالْعَيْدُ بِاللَّهِ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ Allah il est juste ثم قال رحمة الله عليه وَأَمَّا النَّذَر الآن شيخ ابن عثيمين il va démontrer avec un raisonnement أن هذا الكلام هذه الشبهة لباطلة الاحتجاج بالقدر على المعاصي قال وأما النذر فمن أدلته أولا أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه أولا شخص يريد أن يفعل واجب أو يترك محرما يقدم على ذلك باختيار il a le choix وأنت tu le sens t'as envie de venir au dars tu viens si t'as pas la volonté tu viens pas personne te force c'est باختيارك المحرم نفس الشيء واحد والعياذ بالله veut faire un haram il a la volonté de le faire s'il a l'iman قوي ويخاف الله il délaissera ce haram avec sa volonté et tout ça c'est بإذن الله عز وجل c'est pour ça que si un إكراه le حكم change واحد il te force مثلا à faire une marsia et t'as pas le choix t'as pas le qudra de repousser في هذا الحال بإذن الله t'es excusé عند الله عز وجل لماذا لأن هذا الإكراه أما الأصل c'est qu'il n'y a pas ce إكراه tu veux faire un wajib tu le fais tu veux t'écarter d'un haram tu t'écartes بإذن الله عز وجل قال ولا يعلم أن ذلك مقدر ça كذلك الآن t'as deux points essentiels أن t'as le choix على ذلك باختياره لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه هذا أولا deuxième point dans ce premier رد قال ولا يعلم أن ذلك مقدر كذلك أنت لا تدري ما تدري أن هذا الشيء مقدر فكومون tu vas prendre une chose comme argument et tu la connais pas مثلا une personne il veut faire une ma'asiyah والعياذ بالله شرب الخمر مثلا il veut boire de l'alcool نحن on lui dit تق الله c'est haram هو il dit c'est le qadar اولا on lui dit personne te force à le boire c'est le qadar tu peux très bien délaisser c'est le qadar pourquoi tu le fais et tu dis c'est le qadar délaisse-le il dit c'est le qadar la personne te pousse à boire هذا أولا ثانيا on lui dit t'as dit c'est le qadar qui sait qui t'a dit que ça faisait partie du qadar t'as pas encore bu ربما الله سبحانه وتعالى de suite il reprend ton arme tu meurs ربما il t'arrive quelque chose ربما tu changes d'avis فلماذا tu dis le qadar il s'est pas encore arrivé ربما le qadar الله سبحانه وتعالى il a écrit autre chose هذا الاستدلال il est pas à sa place هذا une fois qu'il a bu il a fait le haram نعم c'est من القدر et ta معصية c'est من القدر قال شغل عظيمين ولا يعلم أن ذلك مقدر لأن القدر سر مكتوم السر معروف quelque chose de caché un secret مكتوم فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه نعم أنت tu sais que ça fait partie du قدر une fois que la chose elle est passée أما avant de faire ce haram بعض الناس Il te dit, c'est le qadar Allah. Là, ma t'a dit rien. Délaisse cette chose, et bien, idnillah, c'est le qadar. Qala, fa kayfa yasih, an yahtaj bi hujjatin la ya'lamuha, qabla iqdamihi, ala ma'tadar biha anh. Na'am, kayfa yasih, an yahtaj bi hujjatin la ya'lamuha. Comment il prend cette hujja? Moi, je fais des péchés. Ba'd al-nas yaqulun, il fait des péchés. Il prétend que c'est le qadar. Comment tu prends cette hujja et tu ne connais pas l'invisible, tu ne connais pas le qadar. Une fois que tu l'as fait avec ta volonté, naam, c'est le qadar. Lakin, c'est toi le responsable. Allez, là, tu seras jugé. Il n'y a personne t'a forcé. Amma ta hujja, anna c'est le qadar, ça ne te servira en rien عند الله عز وجل. Qala wa limadha lam yuqdir anna Allah ta'ala katabahu min ahli sa'ada fa ya'mal bi amalihim duna an yuqdir anna Allah أو دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة ويعمل بعملهم صحيح فصارت موضح أن هذه الشبهة شبهة في جمال على بيرسون أي في جمال avec ses propres noms لماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة pourquoi je dis pas هذا الإنسان je vais délaisser cette معصية je vais faire des efforts في دين الله عز وجل et c'est le qadr لماذا بعض الناس toujours ils choisissent le mauvais Il a le choix là-haut, il a l'ikhtiya. Allah lui a donné cette volonté de faire le bien et de faire le char. L'imam Abad Anas, il choisit le char et il dit le qadr. Pourquoi ils ne prennent pas l'autre? Ça te montre que c'est min wasawis iblis, al-la'in. Fa'amma man a'ta wa attaqa wa saddaqa bil husna fa sanu yassiruhu lil yusra. Kalamullah, fa'amma man a'ta wa attaqa. Taqwa, amal salih. Et بإذن الله الله يتفاسيليه وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى بعض الناس يسفد مع الويمة فاسل بخمير أن تارك الواجب أو فاعل محرم إلى أن اختيار personne le force donc tu peux pas dire là une personne quelconque elle fait une معصية et elle dit c'est le قدر لا t'as le choix Pourquoi tu as choisi le mal? Choisis le bien. Kadhalik, tu ne peux pas prendre une hujja que tu ne connais pas. Avant de faire cette ma'asiyah, tu ne sais pas si cette chose, tu vas vraiment la faire. Enfin, tu ne peux pas dire le qadr. Deux points importants. Qala thaniyan, deuxième rat. Anna iqham al-nafs fi ma'athim tark al-wajib wa fi'l al-muharram dhulmun laha wa udwanun alayha. Iqham al-nafs, si tu pousses ton nafs dans du shar, fi ma'athim. Le ma'athim, ça vient de l'ithm. Tout ça, c'est du dhulm. Qala wa fi'l al-muharram dhulmun laha wa udwanun alayha. Sahih, la personne yadlim nafsa. Il se fait du mal à lui-même. Amma al-aqil, il fait tout pour se faire du bien. Il fait tout pour se faire du bien et emprunter les chemins du khayr. Amma wahid, il se fait du mal à lui-même. Sallallahu al-salam wa al-afiyah. Kama qala Allah ta'ala ani al-mukadhibin lil-rusul wa ma zalamnahum. ولكن ظلموا أنفسهم الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد وما ظلمناهم الله سبحانه وتعالى يدمون في هذه الآية on a pas été injuste envers eux ولكن ظلموا أنفسهم صحيح ils ont pas obéi au messager ils ont fait du shirk ils ont rejeté le message الله سبحانه وتعالى il leur ramène il leur envoie un messager qu'il leur montre il patiente avec eux بعض الناس ما يريد il se fait du ظلم lui-même Et dans ce cas-là, il ne peut pas dire le qadar. Dans ce cas-là, c'est lui le responsable. Et sa ma'asiya ou son kouf ou son égarement, c'est min qadar illah azza wa jal. قال ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له ظلم إياك كان بقدر الله لم يقبل منه هذه الحجة أساس حجة قوية جدا الآن cette personne il se fait du ظلم à lui-même مثلا on reprend l'exemple واحد il veut boire de l'alcool والعياذ بالله on le conseille il dit si je bois de toute façon c'est le qadr et il boit il se fait du ظلم à lui-même Et sa hujja c'est le qadr. Cheikh Ibn Taymiyyah il dit an walaw anna ahadan zalama al muhtaj bil qadr. Cette personne an qui a bu de l'alcool. Si un tel an tu lui fais du dhulm. Lui il se fait du dhulm à lui-même en buvant de l'alcool. Al-an on sort de cette masala et un tel tu lui fais du dhulm. Matalan, il a de l'argent, tu viens et tu lui prends son argent. Il te dit akhi taqilla, tu lui dis c'est le qadr. Comme lui il prétend boire de l'alcool, il se fait du mal, c'est le qadr, toi tu lui dis c'est le qadr. Il va te dire ya akhi c'est du dhulm kada, tu lui dis c'est le qadr. Tu t'es fait de l'injustice à toi-même, t'as prétendu que c'est le qadr. Anna, je te fais de l'injustice et c'est le qadr. Est-ce qu'il va accepter hada? Abadan. L'imam est avec lui-même, il l'accepte. Alors que c'est la même mas'ala. Une ma'asiya, qadr, qadr. L'imam est différencié. Qal shur na'taymin, tumma qal allah dhulmi iya kana bi qadarillah. Cet argent que je t'ai pris injustement, c'est min al qadr. Tu peux pas me le reprocher. Comme toi, t'as pas accepté que je te conseille que tu délaisses l'alcool, t'as dit c'est le qadr, t'as pas à me reprocher cette ma'asiya. C'est bil qadr. الآن هذا سندل قوي بالعقل ستسيت ساعة أنت هؤلاء العوام وربما يستيقظ لأن الآن يبقى كمخوض بعقله pourquoi t'acceptes هنا et pourquoi t'acceptes pas le deuxième cas قال لم يقبل منه هذه الحجة أبدا في هذا الحال vu que ça touche à ses poches ماذا سيقول il va dire c'est du ظلم le prophète le ربما il va te citer des adillah le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit Allah subhanahu wa ta'ala il a dit c'est mon mal il parle de qadar C'est un kalam tayyib. Lakin, emploie-le kadalik dans le premier cas. Fais pas du dhulm à ton nefs. L'alcool, bi'idnillah, tu délaisses. Ça te fait du mal, tu gaspilles ton argent. Allah, Azza wa Jal, et son prophète, alayhi salatu wa sallam, ils l'ont interdit. Tu délaisses tout ça, lillah, Azza wa Jal. Hasta hujja bil qadar, ma ali hazila al-haqiqa, illa shaytan. Et il l'a embelli à ba'd al-nas, faqat. Qala fa kayfa la yakmal hadhi al-hujja bi dhulm ghayrihi lah. ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه صحيح لماذا كنت سينوت تاكسيت باست حجة et pour toi-même tu l'acceptes ça montre la mas'ala fiha hawa si tu prends l'exemple qu'on a donné boire de l'alcool et l'exemple de l'argent tu vas comprendre boire de l'alcool pour lui le hawa c'est une shahwa il a du mal il n'admet pas sa faiblesse il essaie de trouver une chose pour te faire taire ayyuhan nasih et il te dit c'est le qadr il croit que tu vas te taire il croit que c'est une hujja Khassatan, vous avez remarqué, il parle de din, c'est le qadar. Quand c'est ses poches, vu qu'il a hawa, kadalik, annas, ils aiment bien l'argent, il a une autre hujja pour défendre ses poches. C'est du dhulm, pourquoi tu fais ça? C'est mon mal. Amna sahib al-haq, il est juste. Là, il est juste. Les deux cas, c'est les mêmes. Les deux cas, il s'écarte de cette shubha. Et il s'écarte de la ma'asiyah, il fait ta'a. Hadar rad al-thani, il est qawi. On l'avait vu en détail, oui. Sharh al-usul al-thalath. الثالث troisième رد على هذه الشبهة on est toujours في الأدلة العقلية النظرية قال الثالث أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل والمشارب والتنعم cette personne الآن tu lui donnes un مثال tu lui dis أخي si t'as le choix Tu veux voyager dans une ville, on a Sana'a. Tu veux voyager dans un pays, dans une ville, tu as deux chemins, deux routes. قال أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل. Premier chemin, il y a la paix. أنواع المآكل, il y a de la nourriture, il y a des boissons. C'est un tariq tayyib. قال والثاني بلد خائف قلق. Deuxième tariq, deuxième chemin pour atteindre ce point que tu veux. خائف قلق. Aïe, c'est un tariq, il s'est passé des choses. Ba'd-an-nas, aw-an-nas, ils ont peur de l'emprunter. Il y a du qalaq, il y a des fitan. Rubama qatl qital, il y a des vols. Qala fihi anwa' al-bu's. Il y a plein de choses mauvaises. Qala wash-shaqa. L'akhtar as-safar ila al-balad al-awwal. Si tu lui dis l'un, tu as deux chemins. Lequel tu vas choisir? On t'a décrit le premier, on t'a décrit le deuxième. La shak awwalan, tu as le choix. La shak كذلك il va prendre le chemin où il y a la paix, où il y a pas de خوف الى اخره. قال لا اختار السفر الى البلد الاول ولا يمكن ان يختار الثاني محتجا بالقدر. لا احد سيقول je prends le chemin où il y a des fitnes, قتل, قتال, سرقة, et c'est le قدر ابدا. لماذا؟ لانه il va penser à son nefs, il va penser à son même. Quand c'est une shahwa, ils ont une facilité à dire le qadr. Quand ça va toucher à son nefs, à son argent, à ses biens, il va faire les asbab. C'est pour ça que le mas'ala, en haqiqa, c'est le hawa. Ces exemples qui donnent sur le 1, tu comprends très vite que c'est le hawa. Quand c'est pour préserver son nefs, ou ses biens, il fait attention. Quand c'est pour din, ma yubad. Ah bon, ça c'est le hawa. Et iman hawla, il est vaif. قال لاختار السفر الى البلد الاول ولا يمكن ان يختار الثاني محتجا بالقدر. محتجا ça vient de l'hujja, il prend comme argument le qadr. محتجا بالقدر, c'est l'hujja, on a démontré dans ams ou قبل ams ان l'hujja n'est pas sahiha, elle n'est pas à sa place. قال فلماذا يختار الافضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر الاخره. Cheikh Ibn Uthaymeen, l'an, il lui démontre, l'imada pour dunya, t'as choisi un chemin où il y a la paix, où il y a des masalih pour toi, et pour l'akhira, tu prends un chemin khatir qui te fait du mal. Haqiqa, cet exemple, l'an, Cheikh Ibn Uthaymeen, il te compare dunya avec l'akhira. L'akhira, c'est la même chose. T'as deux chemins. Tariq al-khayr ou tariq al-shar. Celui qui veut le jannah, il prend tariq al-khayr, l'obéissance à Allah, l'obéissance à son messager, alayhi salatu salam, avec la compréhension des salafs, on s'écarte des ma'asi, des bid'a, des khurafat, du shirk. Inch'Allah, si tu t'arrives, tu le prends, tu arriveras à l'Jannah bi'idnillah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tariq al-ghufran wa al-rahma wa al-jannah. Un autre tariq, tariq al-bid'a, wa al-ma'asi, wa al-shirk, wa al-kufr, wa al-ilhad, ce chemin pousse au nord. Akhi al-Karim, prend la voie qui emmène à l'Jannah. Il fait l'asbab, il fait des efforts. Et tout ça, c'est biqadarillah, ça ne te fera aucun mal. Tu as accepté hada fi dunya, un simple voyage, Rabbam. Un simple voyage, Rubama, il n'y a pas un grand mal. Rubama, c'est une histoire de d'argent. La personne, il y a subir. Voilà où ils te volent ton argent, tu as subir. Amma al-akhira, ce n'est pas une histoire d'argent. Abadan. Abadan. Mas'ala, c'est Jannah wa Nar. Mas'ala, c'est Rida ou Ghadab. Ou Ghadabullah Azza wa Jal. Enfin, la personne, il y La yudayi'a nafsah bi nafsah. Wa'adan nas, yukhrib nafsah bi nafsah. Il se fait du mal avec ses propres mains. Fa'in qala qa'il. Une autre chouba. Mal jawab an qawlihi ta'ala li rasoulihi sallallahu alayhi wa sallam ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa hu wa a'rid anil mushrikin wa law sha'a allahuma ashraku fa akhbara anna shirkahum waqa'a bi mashiyatillah. Hakadahum l'an, ils comprennent mal les versets haoula. Qala wa law sha'a allahuma ashraku. Si Allah il aurait pas voulu, ils auraient pas fait du shirk. Donc quoi il va dire? Donc ils ont fait du shirk. C'est le qadr, c'est Allah qui a voulu. قال شيخ العثيمين قيل لها الجواب عن ان الله تعالى اخبر ان شركهم واقع بمشيئته تسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا دفاعا عنهم. نعم استبا ان احتجاج بالمعصيه ابدا. قال الله عز وجل اتبع ما اوحي اليك من ربك. هذه الحقيقه الايه كما قال شيخ العثيمين سن تسليه. التسليه معروف c'est pour réconforter, pour consoler. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الان يرى son قوم كثير منهم. C'est des mouchriquines. Ils n'acceptent pas le message. Fi Mekka, kadir minhum. La chèque, ça touche la personne. Fala tadhab nafsuka alayhim hasarat. Et tabi' ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illahu wa a'rid anil mouchriquin. Tesliyatan Allah yakoulu wa law sha' Allahuma ashraku. C'est pour réconforter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Anna c'est bi mashiyatillah. Ça sert à rien d'être triste. Allah il a qaddar hakada. Est-ce que ça veut dire ils sont excusés les autres? Abadan. Les autres ils ont fait ce shirk avec leur volonté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est khabir, il est hakim. Qala, la difa'an anhum, abadan. Wa iqamatan lil'udr, lahum, bi khilaf ihtidaj al-mushrikin ala shirkihim bi mashiyatillah. Fa innama qasadu bihi daf'al lawm, anhum. Wa iqamatan al-udr, ala istimrarihim ala shirk, wa lihada abtalallahu ihtidajahum, wa lam yabtul anna shirkahum waqi'un bi mashiyatih. Naam, il y a une différence. Amma al-mushrik huwa, il fait du shirk, il te dit c'est bi mashiyatillah. Pour lui, il est excusé. Il n'a pas de responsabilité. Il a fait ce shirk, et lui, il n'a aucune responsabilité, il ne sera pas jugé. أما الله لما قال ولو شاء الله ما أشركوا من باب التسلية ils seront jugés et ils sont responsables. لكن il démontre au prophète عليه الصلاة والسلام أن هذا سبب مشيئة الله. T'as pas besoin d'être triste على هؤلاء لأن الله لا قدر هكذا. C'est un كلام طيب. Ça c'est une شبهة. Il se base sur cette آية. أما الآن العوام المساكين ما ils sont pas حول هذا. C'est des masakines. Ils ont entendu une chose, ils l'ont répétée. Et vu que ça coïncide avec le hawa, ça coïncide avec dunya qu'ils aiment tant, ils ont pris hada tariq, kathir minhum. Inqal qa'il, deuxième shubha, mal jawab amma thabata fi sahihayn, wa ghayrihima an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, ihtajja adam wa musa, wa fi lafd, تحاج آدم وموسى فقال موسى آدم إلى بارلافك موسى أو موسى إلى بارلافك آدم قال موسى موسى يبغى demander une chose à آدم يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة موسى الآن il demande à آدم أو il lui fait cette remarque أنه il nous a fait sortir sa descendance من الجنة فقال لهم أنت موسى استفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة بعض الناس يستدلون بهذا أنا موسى إلى جاء آدم tu nous as fait sortir من الجنة آدم يغبون عليه السلام tu me reproches une chose الله سبحانه وتعالى il me l'a قدر 40 ans avant de me créer. Comment tu me reproches cette chose? Si tu me dis arrête de boire d'alcool, Hadr Qa'il va répondre pourquoi tu me dis ça alors qu'Allah il a qadr cette chose avant de me créer? Il va dire c'est un dalil pour Hadr. Et on a répondu كثيراً على هذه الشبهة et هذا سأقوى ما عندهم. قال فحج آدم موسى أي آدم il a démontré à موسى la حجة آدم elle était أقوى. Il lui a démontré أنه c'est بقدر الله. قال فحج آدم موسى ثلاثا هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا فحج آدم موسى أي آدم إلى ستين حجة موسى إلى ديمونتخي لماذا قال وعند أحمد في المسند فحجه آدم أي موسى قال أي غلبه في الحجة نعم لا حجة آدم التي أقوى قيل له الجواب من وجهين. Vous avez compris l'un, c'est qu'ils répètent, ils se sont basés sur quoi? Ala hadal hadith, c'est quoi leur istidlal? Haoula? Avant qu'on réponde, il faut que la shubha ou l'un soit comprise. Aïndaman? Non, il lui a reproché quelque chose, khuruj al-jannah. La réponse de Adam? Adam, il a dit, limada. تلومني لأن الله قدر هذا نعم تلومني على شيء قدره الله عز وجل قبل أن يخلقني بأربعين سنة بعض الناس يبون دير استدل بالقدر الله قدره je me reproche une chose الله إلا décrété هذه الشبهة الجواب il est مهم لأن الشبهة في الحقيقة je suis capable de répondre سيتعب C'est Abou al-Khasm, il prend le dessus. Il va dire j'ai un dalil. Vous dites toujours des adillah, là j'ai un dalil. Réponds-moi. Min wajhain. Qala ahaduhuma. Ils vont pas. Tfaddal. Fait layla, kilahuma yastadiluna ala al-fi'l madi. Man kilahuma, donne-nous, hatta nafham. Adam. Adam. Yatakallam ala al-fi'l madi. Anta al-an, tu veux donner une réponse à ce juba? Ouais. Tayyib, tfaddal. Avant qu'on lise, tayyib, hatta. Yastadiluna ala al-fi'l madi. فعل ماضي. C'est quoi le fi'l ماضي هنا? Donnez des choses exactes, on est dans le qissa. Parlez pas humoumen à chaque fois on vous demande. Pourquoi, à cause de toi, on est descendu? On est sorti. C'est le ماضي, ça s'est passé il y a longtemps. Il y en a Adam et Moussa, ils sont morts. C'est le prophète Hassan qui raconte l'histoire. Tfaddal. Alors que celui qui va stadil avec nafs le nusus, le fi'l il est parfait. Ahsan, ça c'est un jawab. Hana, c'est ça, l'ajwiba, le haqqa, c'est ça, là, celui qui a compris l'aqid. نعم موسى أو آدم عليه الصلاة والسلام il a répondu à Moussa et c'est fini il y a longtemps مثلا أنت واحد il a bu de l'alcool il y a 10 ans الآن on lui parle on lui dit أخي اتق الله pourquoi tu bois de l'alcool il t'a dit يا أخي j'ai bu il y a 10 ans c'est vrai الحمد لله il a arrêté خلاص tu n'as plus à lui faire ce reproche. Mal عنده شيء آخر عندك. نعم انا ادم قد تاب. الان موسى عليه السلام يقول لادم يا ادم انت ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنه. ادم الى في التوبه من هذا الى في التوبه من اكل الشجره والله سبحانه وتعالى تاب عليه. فك tu peux plus le reprocher une chose, تاب عليه. قال قيل لها الجواب من وجهين. احدهما ان احتجاج ادم بالقدر كان على المصيبه التي حصلت عليه وهي اخراجه وزوجه من الجنه. إن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعتب على آدم في معصية تاب منها إلا الله تعالى أو إلى الله تعالى. نعم تاب منها إلى الله تعالى. أولا شيخ العثيمين وانا احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة لا على المعصية. المصيبة سي كوا dans cet exemple خروج من الجنة والمعصية أكل من الشجرة. آدم الآن vous avez remarqué il a pas parlé de أكل الشجرة لأن c'est ça المعصية. Adam taba minha. Lakin Moussa, il lui a demandé sur le musiba, a été la cause. Le musiba, c'est qu'on soit sorti min al-jannah. Hada awalan. Mawadanat, il pense que le niqash, qu'il y a eu le munaqasha entre Adam et Moussa, wadanat, yadunnoun, c'est par rapport à la ma'asiyya. La, c'est par rapport à la musiba. Et ça, c'est muhim. Qala, fa inna Moussa alayhi salatu salam, lam yakun liya'tab. العتاب سيغبخشي على آدم في معصية تاب منها إلى الله تعالى فاجتنابه ربه وتاب عليه وهدى. نعم. قال فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام وهو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب ويعتب عليه في هذا. نعم موسى سنبي سنرسول سمن أولو العزم. Moussa n'a pas reproché à Adam la ma'asiyya. Abadan. Moussa sait très bien qu'Allah tab ala Adam. Lakin le kalam est fil musiba et il khuruj min al jannah. Qala an yaqa min Moussa alayhi salatu wassalam wa huwa ajalla qadran min an yaloum aba wa ya'tib alayhi li hadha wa innama ana bi dhalika al musiba allati hasalat li Adam wa banihi wa huwa al ikhraj min al jannah alladhi qaddarahu Allah alayhi bi sabab al ma'asiyya. La cause c'est la ma'asiyya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les hikmah, azima, il a qaddar anna cette ma'asiyya à l'arrivée et il y aura des conséquences. Khuruj, Adam, wa Hawa, min al-jannah. Qala la'ala al-ma'ayib, fa huwa ka qawli alayhi sallallahu salam, ihris ala man yanfa'uk, wa sta'im billah, wa la ta'jaz. Wa in asaraka shay'un, fa la taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Walakin qul, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al, fa inna law tafta' amal al-shaytan, rawahu muslim. Taqaddam. هذا الحديث معنا في كتاب التوحيد. نعم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وإن أصابك شيء مصيبة فلا تقل لو أني فعل مصيبة لباسي لا تقل لو أني فعلت فعل تدي قدر الله وما شاء فعل. صحيح هذه المصيبة لباسي بقدر الله فتدي أن تقدر الله وما شاء فعل. الآن آدم قد موسى إلى دوماندي sur cette مصيبة. آدم إلى دي قدر الله الله قدرها أظن خير. Exactement quand toi une musiba elle passe et tu dis qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Qala faqad arshada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila tafwid al-amr ila qadar Allah ba'da fi'l al-asbab allati yahsul biha al-matlub thumma yatakhallaf. Na'am. Tu fais les asbab et si une musiba arrive, anta tu fais les efforts, tu dis qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Al-an Adam ila fi at-tawba thumma ya une conséquence khuruj al-jannah Allah ila al-hikma. Adam ila dit qaddar Allah. L'amr il est واضح. Est-ce que l'an, jusqu'à ce moment l'an, il y a un rapport avec l'ihtijaj بعض الجهال الضلال avec le qadar استقصة? Abadan. C'est deux choses différentes. قال ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره فيقال له لماذا تسافر فيقول هذا أمر مقدر والمقدر لا مفر منه. نعم واحد يفواياج مثلا يفير الزفور يبخو une route آمنة يسو prépare. Il arrive quelque chose, un accident ou chez, ou il se trompe de route, ou tu lui fais le reproche, il va dire qadr Allah, sahih. Il a fait les efforts, il a tout fait pour arriver, il s'est passé quelque chose, une musiba, qadr Allah wa ma sha'a fa'al. Amma, il y a une différence entre il prend cette route, hein, savoir, il prend cette route et il fait exprès, il va dans un chemin khatir. Il se fait du mal à lui-même et il dit là, c'est pas grave, c'est le qadr. Là, vous avez remarqué, le kalam il est après. المصيبة tu lui demandes, il te dit Qadar Allah. Ama ashab ma'asi, tu l'en sah, il n'a pas encore fait rien, il te dit, de toute façon c'est le Qadar. Ya akhi, t'as pas fait, taqillah. Écarte-toi min hada, aslan. Ama la musiba à l'arrivée, ça s'est passé, wahid, il te fait un reproche, Qadar Allah. T'as fait les efforts, mada t'as fait. Si t'avais pas fait les efforts, tu te trompais, t'as fait tawba. Y a pas de reproche à faire, fi hada. Et s'il y a aucune comparaison plutôt avec al-ihtidad ala al-ma'asi bil Qadar. Qala wa nadhiru hada. قرأنا فيقال له لماذا تسافر فيقول هذا أمر مقدر والمقدر لا نفر منه فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر لأنه يعلم أنه لا مكره له وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث نعم لسانية ستفير السفر et tout se passe bien contrairement à هؤلاء qui font des معاصي et qui prétendent que c'est le قدر il fait le معاصي et il dit c'est le قدر. Et il sait qu'il va la faire. Amma ce voyageur là, est-ce qu'il sait qu'il va se passer une catastrophe, accident, autre? Ayadri. Ouais, il va, et à la barakatillah. Et il s'est passé quelque chose, ibtila min Allah, il patiente. Et c'est bien qadarillah. C'est différent. قال وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به. وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف هذه العقيدة. C'est un wajh tayyib. Premier wajh. Pour répondre à بعض الناس qui prétendent que hadith Abi Huraira qissat Adam ou Moussa c'est un dalil ala l'ihtijad bil qadar ala al-ma'asi. Deux wajh, on a cité le premier et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi il a choisi hadal wajh. N'am anna Moussa alayhi salatu salam quand il a demandé à Adam c'est par rapport à al-musiba pas al-ma'asiya. Donc la réponse de Adam elle était par rapport à al-musiba pas al-ma'asiya. Donc ceux qui prétendent que Al-Qadr c'est une hujja par rapport au ma'asi et ils stadèrent le hadith il n'est pas à sa place. Mais le hadith c'est fait le musiba. Et ha'oula il parle de ma'asiya. Vous avez vu le farq? Hada al-wajh il est tayyib. Al-wajh al-thani. Anna l'ihtijaj bil-qadr ala tarq al-wajib. Awalan, on résume al-wajh al-awwal. Léanna, si on lit, c'est pas compris, ça la ta'ab. Al-wajh al-awwal, عندما man? Vous avez compris ma'adha là? C'est واضح? تفضل ان يعني سأل موسى ادم عن المصيبه ما هي المصيبه المصيبه الخروج من الجنه احسنت il lui a pas demandé pourquoi t'as mangé الشجره il lui a parlé de خروج الجنه فماذا وما سأل عن المعصيه عن المعصيه وايضا ادم تابع سياتي هذا في الوجه الثاني اما الان موسى il a parlé à Adam de l'musiba. هذا اولا احسن ثم ماذا انا فهمت الذي السؤال عن المصيبه عن الخروج من الجنه ها والمصيبه لا يتعلق بالنيه الادم وهذا نعم لان ادم عليه السلام اكل من الشجره الى في التوبه هذا le khuruj c'est une conséquence de cette chose. Mais Adam il n'a pas de responsabilité, il a fait tawba, Allah il lui a pardonné. Lakin Allah il a une hikma. Je ne peux pas comparer ça avec une personne qui est responsable et volontairement il fait une ma'asiya. Mais Allah il a cité l'exemple du voyage. Qui c'est qui répète l'exemple du voyage? Ghayruk. Hein? Non. نعم حادث مصيبة ويقول قدر الله قدر الله ما شاء الله est-ce que dans ce cas-là tu peux comparer cet exemple avec ceux qui font des ma'asiya et disent le qadar لا لماذا عندك إن المصيبة تطيع يعني قدرة الله وما كان يريد أحسنت أنه ما يعلم وما يريد واحد qui veut faire un voyage est-ce qu'il veut faire un accident لا est-ce qu'il sait لا ça arrive une مصيبة ماذا يفعل يصبر يدي قدر الله وما شاء فعله. لا في الأسباب. L'exemple de la ma'asiya par rapport à l'exemple du safar, c'est quoi la différence là? Ma'asiya هو أراد العمل. نعم. Il n'a pas encore fait la ma'asiya, il dit c'est bil qadar. Et il croit que c'est une hujja pour lui. Et il fait la ma'asiya. Il y a un farq كبير. هذا الوجه الأول أحسنتم. قال الوجه الثاني أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم. Et ça c'est طيب. الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ الإسلام قبله أحيانا يدي الاحتجاج بالقدر على المعاصي وأحيانا يدي ترك الواجب أو فعل المحرم لأن فعل المحرم سين معصية الترك الواجب كذلك سين معصية لأن بعض الناس ربما إلى أنطوا معصية il pense qu'à zina, alcool, shirk, tout ça, c'est le ma'asi la shirk. Lakin tark l'wajib kadalik, délaisser la salat, c'est le ma'asi. C'est plus grave que boire de l'alcool. Il y en a boire de l'alcool, tu restes musulman. Tant que la personne ne s'tahal pas. Amma tark al-salat, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hakamak, c'est du kufr. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum al-salat, faman tarakaha faqad kafar. La tark l'wajib, ahyanan, c'est du kufr. Tark l'wajib ou fi'l muharram, c'est khatir jiddan. Les deux, لا تحتاج بالقدر على على هذه المعاصي. خصوصا ترك واجب. Tu le trouves هذا. بعض الناس تجي أخي في الصلاة تجي في الصلاة. يجي قدر الله. لا لا لا يجوز لك. C'est une معصية. Tu dois faire الصلاة et tu dois قدر الله. قال أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول. هذا آدم عليه الصلاة والسلام إلى في التوبة والله سبحانه وتعالى تاب عليه. هذا نعم. مثلا أنا شف المعصية يا لونطا. أفخاري يكون عندي. Il me dit, tu te rappelles kada kada, je veux dire, qadr Allah, mon cher fa'al. Là, c'est passé, j'ai fait tawba. Amma ha'oula, là, ils prennent hujja pour continuer à faire le ma'asi. Il y a une différence kabira. Hakika, ce point, il est sahl. Celui qui a eu un peu de mal avec le premier point, ce deuxième point, il est as-sahl. Anna Adam, alayhi salatu salam, il a fait tawba après, il a dit ce qu'elle aime après avoir fait tawba. Et en hakika, les deux points, ils sont importants, ils se contredisent pas. Qala, li anna l'athar. المرتب على ذلك قد زال بالتوبة فانمحى به توجه اللوم على المخالفة. سفيني إلى في التوبة الله يلوى بعضني فيا بلد خبخش عفير في هذا. قال فلم يبقى إلا محض القدر الذي احتج به لا ليستمر على ترك الواجب. نعم لأن إلى في التوبة سفيني تلو دمان إتجي قدر الله سعبه بادير كيف يو كنتنوي أبدا أبدا لكن صحيح سمن قدر الله. قال فلم يبقى إلا محض القدر الذي احتج به لا ليستمر على ترك الواجب أو فعل المحذور ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. نعم خاصة on peut rajouter quelque chose. نحن أن آدم عليه الصلاة والسلام il est plus في دار الدنيا. دار الدنيا c'est هذه الدار. Tu peux faire des واجبات, tu peux faire والعياذ بالله des معاصي بعض الناس يقعون فيها. أما الآن هذا الشيء ça s'est passé, Adam et Moussa ils sont morts alayhim salatu salam, ils sont plus في الدنيا. هذا c'est مهم. أما واحد il est في الدنيا, il veut faire la ma'asiyah, son but c'est de la faire et il s'accroche au qadar. أنا أعود بالله من الشبهات. ربما يبقى citer هذا أنه ils sont plus في دار التكليف. قال وقد أشار إلى هذا ابن القيم في شفاء العليل. C'est un kitab عظيم جدا في القدر, c'est من أحسن ما كتب. Avec le livre de الشيخ مقبل الجامع الصحيح في القدر, le livre d'Ibn al-Qayyim, ces deux livres c'est les références في القدر. Cheikh Mokbila rahmatullah alayhi, son livre c'est des hadith, c'est des hadith sur le qadr. Amma l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, c'est des explications et il cite tous ces, il cite cette choubha et il répond. تستفيد من هذا أن celui qui veut le mazid في هذا الباب, خاصة après avoir étudié الواسطية التدمورية, tu connais l'aqida في القدر. بإذن الله ستولي سليف غشفاء العليل إن شاء الله ستستفيد جدا إلى الطيب طيب. وقد أشار إلى هذا ابن القيم في إشباء العليل وقال إنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل. نعم لأن آدم ستباسي. أما واحد إلى أنتخن بواغ مثلا إلى أنتخن بواغ جو خمر. Je le conseille, « Akhid taqillah, c'est haram. » Il te dit, « C'est le qadar. » Là, il est en train de boire, il peut le délaisser. « Mais c'est passé, mada yaf'al ?» Tu as bu un taille à 5 ans, wahid, il te fait un reproche. « Mada taf'al, c'est passé, ya akhid. »« Qadar Allah wa masha afa'al. » Il y a une différence entre le maadi, le hal et le mustaqbal. « Qala bi an yatarakkab fi'al al muharrama, ou yatruk wajiban, fayaloumu alayhi la'imun, fayahtadju bil qadar, ala iqamati alayhi wa israri. » Hada c'est khatir. Il se sert du qadar pour continuer sa ma'asiyah. Hada la yajouz. Qala fayabtul bil ihtijaj bihi haqqan wa yatruk batilan. Fayabtul bil ihtijaj bihi haqqan. Avec ce ihtijaj bil qadar, il va délaisser un haqq. Maintenant, بعض الناس, il ne faut pas salat. Ce haqq qui est salat, il le délaisse avec cette shubha. C'est haram alayk. Ben, c'est salat, c'est akhtar. Qala wa yatruk batilan. Maintenant, l'exemple qu'on a donné avec le khamr. Avec cette shubha, il fait un haram. Il boit de l'alcool, pourquoi? Parce que pour lui c'est le qadr. هذا لا يجوز. قال كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. تقدم شبهة المشركين. وقوله ولو شاء الرحمن ما عبدناهم، نفس الشيء، نفس الشبهة، شبهة المشركين. قال فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، مصوبين بكسر الواو ولكن شدة، مصوبين أي سشرك سات معصية ils vont la rendre صواب، ça vient de صواب، ils vont la rendre صواب avec cette حجة. Il boit de l'alcool pour lui c'est pas grave لأن القدر. قال مصوبين لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج، فهذا ضد احتجاج ما من تبين له خطأ نفسه. نعم كم لقصة كنا في آدم وموسى تبين له الخطأ إلى في التوبة un reproche il dit c'est passé قدر الله وشاء فعل، ما في شيء هذا. أما واحد يكونتينو cette chouba il fait des ma'asiyah ou il délaisse des choses wajib et il continue c'est contre lui هذا. أبداً c'est une حجة pour lui. قال وندم وعزم وعزم كل العزم على أن لا يعود، il y a une différence، واحد il a fait التوبة et il fait tout pour parvenir à cette ma'asiyah، il fait tout et si tu lui parles d'une chose passée il dit قدر الله حتى son حال il a طيب، il fait des efforts، واحد il fait aucun effort et il prend cette chouba pour faire des ma'asiyah là ça تضره. قال ونقطة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر. نعم c'est passé، c'est passé، la personne il a fait tawba. في قصة آدم وموسى ils sont sortis من الدنيا، c'est un troisième point qu'on rajoute، ils ne sont même plus في الدنيا، في هذا الحال صح الاحتجاج بالقدر. Ça s'est passé il y a longtemps, tu as fait tawba, واحد, il te rappelle une chose, tu lui dis, Akhi, qaddar Allah, ma sha fa'al. Walhamdulillah, anta, t'as délaissé et tu détestes cette chose, cette ma'asiyah. قال, wa idha kana al-lawm waqi'an fi al-ihtijaj bil qadar batil. Amma si c'est sur le hal, ou le mustaqbal, matalan, il fait la ma'asiyah en ce moment, ou il veut la faire et il dit le qadar, c'est batil. C'est batil, li anna la ma'asiyah, c'est haram. قال, thumma dhakara hadith, Ali. Ça c'est دائما كلام ابن القيم. ثم ذكر حديث علي رضي الله تعالى عنه حين ترقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ليلا فقال ألا تصلي النبي صلى الله عليه وسلم مرة il est rentré عند علي وفاطمة et il leur a posé cette question ألا تصلي vous faites pas الصلاة. قال وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يعذر فيه فالنائم غير مفرد واحتجاج غير المفرد بالقدر صحيح. نعم لأن علي رضي الله تعالى عنه يدغم فإلا تبا مفرد لأن النائم مرفوع القلم عنه سي علي لهم كي غابوكت الحديث سبساك البروفيسور صلى الله عليه وسلم لا في أوكا غبخوش علي ألا تصليان يدغم ولا شيء يزن باي تفريد في هذا. أما واحد يفين معزية يبواد للكل يبواد للكل يتلو دي كذا يتلو دي سر قدر أبدا. أما أنت مثلا ça arrive, tu te manques pour salat al-fajr. T'as fait tous les asbab. T'as fait tout. T'as mis le réveil, tu t'es couché tôt. Qadr Allah, ça arrive. Ça arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam et sahaba. Marra fi ghazwa, c'est le soleil qui les a réveillés. Ça arrive. Tu te réveilles, t'as fait tous les efforts. Aucun tafrid t'as pas. Wahid, il te dit, akhi, t'es pas venu, tu t'es. Qadr Allah, ma sha'a fa'al. La bichay, li anna, t'as fait les asbab. Wahid, il vient jamais. Il fait aucun sabab. Il fait aucun sabab. Il dort. واحد يلف النصيحة يدي تفصل سير قدر لا سبلا من الشوز لأن واحد اللي مفرد واحد لا في الأسباب واحد يبغى لي باس الشوز واحد يسي très bien qu'il vient pas et il prend cette hujja تفصل سير قدر لا تنفع أبدا. فهذا الباب اللي مهم فالمراجعة إن شاء الله تعالى بولا فت بدقة الردود هذه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.